Le français sur le bout de la langue. Le blog qui vous donne envie d'apprendre. Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à vous pour ce tout premier podcast du français sur le bout de la langue, avec aujourd'hui un article de Maz Magazine consacré au maître de l'animation japonaise Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki, un mastodonte de l'animation. Le départ à la retraite de Hayao Miyazaki a causé un véritable retentissement dans le monde de l'animation japonaise. Le mastodonte part. Hayao Miyazaki est l'auteur de nombreux succès mondiaux comme Le Voyage de Chihiro ou Princesse Mononoke. Petit retour sur ce personnage emblématique. Hayao Miyazaki, né le 5 janvier 1941 à Tokyo, doit sa renommée mondiale à son premier succès international, Princesse Mononoke, sorti en 1999. En 1985, il cofondera le studio Ghibli, aujourd'hui un incontournable de l'animation nippone. Les films d'animation de Miyazaki sont marqués par des sujets chers aux Japonais. L'humain et la nature, l'humain et la technologie, la nature et la technologie. Un rapport constant entre le développement de la société et la nécessité de préserver une nature fragile. Princesse Mononoke et Ashitaka. L'incarnation de la nature forte et persévérante et de l'homme pris entre morale et guerre. Mononoke, fougueuse mais douce, Ashitaka, pris entre son devoir de guerrier et son devoir de respect à la nature, mère de tous. Le voyage de Chihiro, petite fille enfermée dans un monde de terreur, d'esclavage, mais qui garde son innocence par son amitié avec Aku et sa volonté de retrouver et de sauver ses parents. Le château dans le ciel, entre technologie créatrice et destructrice, ce film met bien en garde contre les possibles abus de la technologie au service du vil et de l'arrogance humaine. Tous ces films sont tout aussi accessibles aux enfants qu'aux adultes, bien que comprendre entièrement la psychologie des personnages et les références soit difficilement possible pour un enfant. Le fait que les personnages principaux soient des jeunes filles les rend toutefois très plaisants pour un public jeune. Les univers varient de très enfantins, avec Kiki la petite sorcière par exemple, à dur et sombre, avec le tombeau des Lucioles, univers de l'après-Hiroshima. Cette variété de sujets lui vaudra de devenir un maître dans l'animation, pouvant manier les sujets et leur donner toute la profondeur qu'ils nécessitent, qu'ils soient légers ou non. Hayao Miyazaki reste un maître dans son art et avec l'accompagnement musical réalisé par Joe Hisaishi, il réussit à rendre compte de la particularité du monde nippon, avec ses esprits, ses démons et sa morale particulière, tout en le rendant poétique et très attrayant au public occidental, ce qui explique son succès phénoménal. Un succès tel que le magazine Time le nomme en 2006 une des personnalités asiatiques les plus influentes des 60 dernières années. Malgré son succès indéniable, celui-ci restera humble, peut-être fidèle à ses propres films qui divulguent une morale pleine de simplicité et de respect. Pour comprendre le monde japonais, il faut se plonger dans sa culture. Le monde n'est pas composé comme l'entend l'Occident croyant. Les esprits des ancêtres et de la nature règnent ainsi que le karma. Respecter autrui, garder à l'esprit son devoir patriotique et conserver sa morale bouddhiste sont des notions essentielles au film de Hayao Miyazaki. Apprécier son art si particulier, accompagné d'une bande-son mélodieuse, est accessible à tous. Un seul mot d'ordre. Se laisser emporter par son vent créatif. Une dernière occasion de se plonger dans ce monde si particulier. Le vent se lève, dernier film en date d'Hayao Miyazaki, sortie prévue le 15 janvier 2014.